On va parler de hockey. Le Canadien et les Panthers de la Floride sont à Batters ce soir pour le match Kraft Hockeyville. Et pourquoi Batters? Parce que la petite municipalité de Renou, qui est à peu près gros comme Saint-Jean d'Arc, environ de 750 à 1000 personnes, c'est eux qui ont gagné cette année le concours Kraft Hockeyville, un concours que Robert Val avait gagné en 2008. En ligne pour savoir un peu comment ils ont fait pour une petite municipalité de 750 personnes ont réussi à avoir les Canadiens de Montréal. On parle avec de Radio-Canada à Batters, François Leblanc. Bon midi, François. Oui, bonjour, Danny. François, comment se fait-il qu'une petite municipalité, c'est sûr que toi, tu ne connais pas, mais une petite municipalité comme Saint-Jean-d'Arc, à peu près, de 750 personnes a réussi à attirer le Canadien. C'est incroyable. C'est quasiment un coup de force incroyable, ça. Oui, en fait, c'est dans le cadre du concours Kraft Hockeyville qui existe depuis quoi, 2006, là, maintenant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la municipalité avait besoin de rénovation de son aréna. Donc, le concours Kraft Hockeyville arrive à point. Là, je vous rappelle qu'on gagne 250 000 $ pour rénover l'aréna, puis il y a la Coupe Stanley qui vient, puis un match de la Ligue nationale. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens avaient besoin de rénovation. Puis l'année dernière, il y a un jeune qui est mort dans un accident de motocyclette. Et c'est un jeune qui était apprécié dans la communauté. Donc, il y avait comme une deuxième force qui a fait en sorte qu'on dit on va dédier cette campagne-là pour essayer d'accueillir Hockeyville, puis de gagner Hockeyville. Donc, ça s'est fait de façon... à la mémoire de ce jeune-là, Thomas Seddon. Donc, ce qui se passe, c'est que Hockeyville, tout d'abord, il faut que les gens votent pour avoir la faveur du public. Il y a plein de municipalités. Il y avait, je crois, Saint-Polycarpe au Québec qui était demi-finaliste. Et puis, c'est un concours de popularité aussi, mais il y a beaucoup de gens dans les régions. Depuis, beaucoup de gens de Nouveau-Brunswick ont été touchés par l'histoire des gens de Renault. Donc, par la suite, ils ont gagné ce prix-là. C'est intéressant parce que on parle de Renault pour une autre façon. Au Canada Atlantique, Renault, c'est surtout reconnu pour une prison fédérale où c'est souvent on envoie des criminels pas parmi les plus gentils là. À ces endroits-là, c'est une prison en sécurité maximale. Et les gens de la communauté travaillent beaucoup à la prison, même qu'il y en a qui habitent pas dans la communauté, préfèrent voyager parce que c'est une toute petite communauté. Le long de la route 8, là, entre Fredericton et Mirabichi. Okay. Et puis finalement, les gens ont été ont embrassé la cause, puis là, tout le monde est content parce que finalement, on parle de d'autres choses. On parle qu'il y a du hockey mineur là-bas. Il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait des tournois de hockey qui se tenaient là, des rénovations qui ont été faites à l'aréna. L'aréna sent bon. Là. Il y a une bonne couche de peinture qui a été donnée, mais il y a des bandes qui ont été réparées. C'est plutôt croche. On s'accroche pas le pantalon sur le bord d'un clou qui est sorti d'une porte là, parce que ça a été mal fait. Maintenant, c'est beaucoup de fierté là-bas. Ben effectivement, mais là, ce qui est intéressant, c'est que le match est à Batters, évidemment, parce que Renault, une petite municipalité de 750 personnes, évidemment, je vois pas le match du Canadien à l'aréna de Saint-Jean-d'Arc ce soir. Là, l'aréna, ça doit être une aréna pas chauffée, j'imagine, à peu près. Ben là, ils ont mis la chaleur. Ouais, mais avant ça. Non, mais de toute façon, ils ne pourraient pas jouer là, présentement parce que l'Ancien Canadien devait venir jouer un match. Puis ça n'a pas fonctionné parce que il manquait encore une pièce pour faire la glace. Donc ils ont joué à Mirabichi, qui est à quoi même pas 20 minutes de route de Renault. C'est la plus grande ville qu'il y a dans ce coin-là. Mais il faut dire que c'était arrivé la même chose. Là, ce Canadien était venu à Truro, en Nouvelle-Écosse, en 2006, lors de la première édition du concours. Les gagnants étaient Salmon River, c'est un tout petit aréna. Même chose lorsque les Sénateurs d'Ottawa sont venus jouer contre les Devils de New Jersey à Summerside. C'était O'Leary qui avait gagné le concours, puis il était à une trentaine de minutes de l'endroit. Donc, ça vous montre jusqu'à quel point que si on veut vraiment accueillir le plus de gens possible, parce que on veut aussi... tous les billets sont donnés, c'est gratuit, il y a un tirage au sort. Cette année, c'était ouvert seulement. Les billets étaient donnés à tous les gens résidents du Nouveau-Brunswick, mais pour pouvoir participer au concours, il fallait que les gens conduisent de leur municipalité, aillent au centre récréatif de telle heure à telle heure pour remplir un coupon, avoir une preuve comme quoi c'était des résidents du Nouveau-Brunswick pour pouvoir participer. Et il y en a 3200 chanceux. Puis en plus, au centre-ville de Batters, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici présentement, qui n'ont pas pu avoir de billets, ils ont fermé la rue principale et le match sera présenté sur écran géant. Et on attend plus de 2500 personnes au centre-ville. Donc, il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir regarder le match. Ben là, c'est sûr, ça doit être une fête pareille. Renault puis Batters, c'est-tu bien loin? C'est à peu près combien de distance? C'est à 120 km, à peu près 120 km au nord de Renault. Donc, Batters, c'est là où les titans d'Acadie Batters, justement. Donc, Renault est à 120 km au nord. Puis Renault est un peu renfermé dans le milieu du Nouveau-Brunswick. Donc, il y a plein de petites routes là qu'on doit prendre pour... pour pouvoir se rendre à Bathurst. Mais je vous disais, Danny, là, il y a des autobus qui sont arrivés de là-bas. Il y a des dizaines d'autobus qui sont arrivés. Les écoles sont fermées aujourd'hui. La plupart des commerces sont fermés. Il n'y a pas grand monde à Renault parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris l'autobus pour venir ici à Bathurst. Ça doit être une fierté pareille. Hein. Je me rappelle Robertval, qui est une ville de 10 000 personnes. Elle avait eu en 2008. Puis c'est entre 10 000 puis 750 personnes. Il y a encore une méchante marge, là. Fait que pour le village, ça doit être quelque chose d'incroyable. Tiens, on en parle encore à Robertval aujourd'hui. On en parle encore aujourd'hui à Robertval. Oui, tout à fait. C'est une fierté parce que les gens de la région ont travaillé dur pour avoir cet événement-là puis pour gagner cet argent-là pour rénover leur patinoire, pour rénover le tout. Il y a aussi le fait qu'on était heureux d'accueillir Yvan Cournoyer, Patrice Brisebois, Brad Boyce, qui sont venus signer les autographes. C'est une fierté aussi, puis je pense qu'on va en parler tellement longtemps parce que beaucoup de gens disent que ça a uni la communauté. Il y a des gens, des voisins qui se connaissaient peut-être un peu moins. C'est un village qui est quand même assez éparpillé, là. Donc, c'est pas tout le monde qui, à cause des horaires de travail, par exemple, il y en a qui vont travailler à Miramichi, c'est un peu plus loin. Donc, c'est vraiment un élément réunificateur. Puis le fait que la Coupe Stanley était sur place, ben, tout le monde voulait faire se prendre en photo avec la Coupe Stanley. Donc, ça, c'est toujours gagnant pour une communauté. Puis on en parle en bien de la région de Renault. On dit pas que c'est quelqu'un qui s'est évadé de la prison de Renault. On dit tout simplement la Coupe Stanley était là, puis tout se passe bien. Puis il y avait au moins un élément positif là. Les joueurs là-dedans, ils se sentent comment? Ils se sentent comment là-dedans? T'sais, ils sont habitués de vivre dans le grand luxe, dans les hôtels. Là, ils tombent dans une petite... Ben, Batters, c'est quand même pas... Mais c'est un petit ben, pareil. Comment ils se sentent là-dedans, eux? Ben, on a parlé à beaucoup de joueurs. Autant Jesperi Kotkaniemi que Mike Matheson des Panthers ou encore même Claude Julien. Tout le monde est très heureux de vivre ça. Écoutez, il y en a qui étaient surpris de voir autant de monde pour un entraînement. Il y avait, quoi, 2500 personnes dans l'aréna pour voir l'entraînement des Panthers puis l'entraînement du Titan, pas du Titan, mais des Canadiens de Montréal. Donc les joueurs étaient heureux. Les joueurs étaient même touchés par moment parce qu'il y a eu un tapis rouge. Lorsque les joueurs sont arrivés de leur hôtel en autobus, ils ont débarqué de l'autobus, ils ont signé les autographes. Pendant une trentaine de minutes, les jeunes ont pu faire signer des autographes avec leur idole, les jeunes et les moins jeunes. Là, je vous dirais qu'il y avait beaucoup de partisans de Yvan Cournoyer, par exemple, qui se faisaient solliciter pour prendre des photos. Les gens ont été patients. Comme je le disais, Jonathan Drouin, moi, je signais des autographes, je ne vais pas manquer de jeunes. Lui, se souvenait que lorsqu'il était à Mont-Tremblant, il voyait les entraînements des publics du Canadien, puis il prenait des photos. Il avait des autographes, lui aussi, avec des Guillaume Latrandais, José Théodore. Donc, c'est leur cœur qui revient à la surface. Tant les joueurs européens que les joueurs canadiens, les francophones, les Québécois, tout le monde a aimé. OK. Et là, une question que je veux te poser, parce que j'écoutais quelqu'un qui posait la question ce matin au 91.9, puis c'est bon à savoir. L'éclairage, ça va ressembler à quoi? Tu sais, il veut dire, c'est pas un éclairage de Ligue nationale, faut pas s'attendre à un éclairage vraiment, puis la télévision, puis ainsi de suite. Est-ce que ça a été compliqué ce matin de l'installation de tout ça? Il n'y a pas eu de changement, mais l'amphithéâtre est aux recommandations de la Ligue junior majeure du Québec. Ouais. C'est que la Ligue junior majeure du Québec a demandé que les éclairages soient améliorés et que les baies vitrées soient aux conformes de la Ligue nationale. Sportsnet est venu faire des matchs de la Série Canada-Russie. Il y a eu des matchs aussi de la Coupe du Président qui ont été présentés et il n'y a pas eu de plainte. Donc, à chaque fois qu'on vient, on coupe des matchs souvent, ici avec des caméramans, puis l'éclairage est assez uniforme, assez bon. Là, je pense pas qu'il y aura de... Il y a du souci de ce côté-là. La galerie de presse, parce que la Ligue nationale, c'est la galerie de presse, et ainsi de suite, là, c'est des journalistes, les Panthers, c'est, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui les couvrent, mais le Canadien, là, ça arrive tout, là, la galerie de presse, comment vous organisez? Ben, le centre qui est serving a été construit avec des loges corporatives, donc ces loges-là ont été transférées aux journalistes pour pouvoir être capables de faire leur travail comme il faut, puis il y a une salle de presse là, qui leur permet de travailler aussi. Donc, tout le confort était là. Le directeur des communications, Luc Foulet, à Bathurst, me disait que au moment où ils ont décidé qu'ils recevaient le match à Bathurst, puis Renault a gagné, là, j'avais communiqué avec le maire qui m'avait dit « Ah, restez en ligne, vous allez voir, il y a quelque chose qui s'en vient. » Et il y a eu des rencontres, des visites de reconnaissance des diffuseurs pour savoir où on peut mettre les caméras, qu'est-ce qu'on peut barrer ou pas. On peut pas utiliser la galerie de presse régulière pour mettre les diffuseurs de TVA et de Sportsnet. Donc, il y a plusieurs choses qui sont faites qui sont tenues en considération. OK. Ben, François Leblanc, je te laisse. Tu as beaucoup de travail, imagine. On a connu ça en 2008 à Robertval, parce que Robertval, Dolboom, c'est tout près. Donc, c'est une belle fierté. Puis, j'ai pas de misère à vous croire que là-bas, ça doit être le gros, gros party. Vous reverrez probablement plus jamais ça. Puis, vous devez. Je vais te laisser aller goûter chaque moment de cette journée-là. Ben merci, on se reparle. Au revoir. François Leblanc de Radio-Canada, qui est dans l'Est du Canada.